Deuxième livre des Rois, chapitre 18. Or la troisième année d'Osée fils d'Éla roi d'Israël, Ézéchia fils d'Achaz roi de Juda commença à régner. Il était âgé de 25 ans quand il commença à régner, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère avait nom Abi, et était fille de Zacharie. Il fit ce goût et droit devant l'Éternel, comme avait fait David son père. Il ôta les hauts lieux, mit en pièces les statues, coupa les bocages, et il brisa le serpent d'airain que Moïse avait fait, parce que jusqu'à ce jour-là les enfants d'Israël lui faisaient des encensements, et il le nomma Néustan. Il mit son espérance en l'Éternel le Dieu d'Israël, et après lui il n'y eut point de roi semblable à lui entre tous les rois de Juda, comme il n'y en avait point eu entre ceux qui avaient été avant lui. Il s'attacha à l'Éternel, il ne s'en détourna point, et il garda les commandements que l'Éternel avait donnés à Moïse. Et l'Éternel fut avec lui partout où il allait, et il prospérait, mais il se rebella contre le roi des Assyriens, pour ne lui être point assujetti. Il frappa les Philistins jusqu'à Gaza, et ses confins, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Or il arriva en la quatrième année du roi Ézéchia, qui était la septième du règne d'Osée fils d'Éla roi d'Israël, que Salmanézé roi des Assyriens monta contre Samarie, et l'assiégea. Au bout de 3 ans ils la prirent, et ainsi la sixième année du règne d'Ézéchia, qui était la neuvième d'Osée roi d'Israël, Samarie fut prise. Et le roi des Assyriens transportait les Israélites en Assyrie, et les fit mener à Chalash, et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes, parce qu'ils n'avaient point obéi à la voix de l'Éternel leur Dieu, mais avaient transgressé son alliance, et tout ce que Moïse serviteur de l'Éternel avait commandé, ils n'y avaient point obéi, et ne l'avaient point fait Zeroer en la quatorzième année du roi. Ézéchia, Sanchérib roi des Assyriens, monta contre toutes les villes fortes de Juda, et les prit. Et Ézéchia roi de Juda envoya dire au roi des Assyriens à Laki, « J'ai fait une faute, retire-toi de moi, je payerai tout ce que tu m'imposeras », et le roi des Assyriens imposa 300 talents d'argent, et 30 talents d'or à Ézéchia roi de Juda. Et Ézéchia donna tout l'argent qui se trouva dans la maison de l'Éternel, et dans les trésors de la maison royale. En ce temps-là Ézéchia mit en pièces, les portes du temple de l'Éternel, et les linteaux que lui-même avait couverts de lame d'or, et il les donna au roi des Assyriens. Puis le roi des Assyriens envoya de Laki, Tarta, Rapsari, et Rapsaké, avec de grandes forces vers le roi Ézéchia à Jérusalem, et ils montèrent et vinrent à Jérusalem. Or étant montés et venus ils se présentèrent auprès du conduit du haut étang, qui est au grand chemin du champ du Foulon. Et ils appelèrent le roi tout haut. Alors Eliakim fils d'Ilkija maître d'hôtel, et Sebna le secrétaire, et Joach fils d'Azaph, commis sur les registres, sortirent vers eux. Et Rabsaké leur dit, « Dites maintenant à Ézéchia, ainsi a dit le grand roi, le roi des Assyriens, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Tu parles, mais ce ne sont que des paroles, le conseil et la force sont requis à la guerre. Mais en qui t'es-tu confié, pour te rebeller contre moi? Voici maintenant, tu t'es confié en l'Égypte, en ce roseau cassé, sur lequel si quelqu'un s'appuie, il lui entrera dans la main, et la percera, tel est Pharaon roi d'Égypte à tous ceux qui se confient en lui. Que si vous me dites, nous nous confions en l'Éternel notre Dieu, n'est-ce pas celui dont Ézéchia a détruit les hauts lieux, et les autels, et a dit à Juda, et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel à Jérusalem? Or maintenant donne des otages au roi des Assyriens mon maître, et je te donnerai 2000 chevaux, si tu peux donner autant d'hommes pour monter dessus. Comment donc ferais-tu tourner visage au moindre gouverneur d'entre les serviteurs de mon maître, mais tu te confies en l'Égypte, à cause des chariots et des gens de cheval? Mais maintenant suis-je monté sans l'Éternel contre ce lieu-ci pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays-là, et le détruis. Alors Eliakim fils d'Ilkija, et Sebna, et Joach dirent à Rabsaké, nous te prions de parler en langue syriaque à tes serviteurs, car nous l'entendons, et ne nous parle point en langue judaïque, le peuple qui est sur la muraille l'écoutant. Et Rabsaké leur répondit, mon maître m'a-t-il envoyé vers ton maître, ou vers toi, pour parler ce langage, ne m'a-t-il pas envoyé vers les hommes qui se tiennent sur la muraille, pour leur dire qu'ils mangeront leur propre fiente, et qu'ils boiront leur urine avec vous? Rabsaké donc se tint debout, et s'écria à haute voix en langue judaïque, et parla, et dit,